tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Ah, ça fait du bien ça, et ça donne le ton de la soirée. C'était The Centurions avec Bull Wilkle Point 2. Salut à toutes et tous, c'est Manu. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Rock Alternative Show. Ce soir, nous allons célébrer l'un des plus grands cinéastes, mais aussi l'un des plus controversés de l'histoire d'Hollywood, mais qui est surtout un mélomane très averti. Et cela transpire à travers les 9 ou 10 œuvres de sa filmographie, selon la façon dont vous considérez les choses. Vous l'avez probablement compris, ce soir, nous allons célébrer celui qui est sans doute, avec Martin Scorsese, l'un de mes réalisateurs fétiches, Mr. Quentin Tarantino. La musique tient une place très importante dans l'œuvre de Tarantino. À la manière de Stanley Kubrick, le réalisateur de Reservoir Dogs, préfère utiliser des morceaux déjà existants plutôt que de laisser l'habillage musical à une composition originale. Aussi fin mélomane qu'il est un cinéphile passionné, Tarantino a toujours su imposer une couleur pop à ses œuvres, chacune d'elles renvoyant à un type de cinéma, mais aussi à un style de musique particulier. Mais le plus fort est certainement d'avoir su donner une seconde jeunesse à des titres oubliés et de les imposer dans la culture populaire des années 90. Comme vous le savez peut-être, Quentin Tarantino apporte un soin tout particulier à choisir lui-même les chansons et les musiques contenues dans ses films, principalement piochées dans les vieux catalogues des années 60 et 70. Et ce, depuis son premier long métrage en 92. On se souvient tous et toutes du film Reservoir Dogs qui avait permis à un obscur groupe britannique des années 70, les Steeler Wheels, de donner une seconde vie à leur unique succès Stuck in the Middle with You, sorti en 73. Pour Reservoir Dogs, la musique est déjà un personnage à part entière puisque toute l'intrigue est rythmée par un DJ extra-diégétique, Kabilis, dont le programme Super Sounds of the 70s n'est autre que l'illustration du goût de Tarantino pour les trésors cachés musicaux. Du riff de basse de Little Green Bag, du George Baker Selection au tube country pop Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel, Tarantino réhabilite des pépites rock, pop et rhythm and blues tombées dans l'oubli. Replongez-vous, un instant en 1992. Première scène de Reservoir Dogs, avant le générique. La caméra tourne autour de 8 gangsters attablés dans un diner pour le petit déjeuner. On découvre les personnages au cours d'une conversation qui, elle, tourne autour du sens profond des chansons Like a Virgin et True Blue de Madonna. Mr. Brown, alias Quentin Tarantino himself, soutient très sérieusement que Like a Virgin est une métaphore sexuelle sur les gros pénis. Après avoir vu le film, Madonna alla rencontrer Tarantino et lui dédicacer ainsi son album Erotica. À Quentin, ça parle d'amour, pas de bite. Bisous, Madonna. Au-delà de cette anecdote, comme la violence de Reservoir Dogs, la radio est un fantasme hyper réaliste. Le vrai DJ, c'est Quentin Tarantino, qui dès son premier long métrage avait mis en place le style et la méthode de toute sa filmographie à venir. Images et sons, repêchés dans les bas-fonds de la série B, utilisation de la musique au cœur de l'action plutôt que comme simple illustration sonore, jeu collé-serré de réciprocité entre les images et le son. C'était Magic Carpet Ride de Bedlam, précédé de Little Green Bag du George Baker Selection et de Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel. 2 ans après Reservoir Dogs, Tarantino fait rebelote avec Pulp Fiction, qui obtiendra même la Palme d'Or au Festival de Cannes, un film dans lequel le maestro exhumait tout un répertoire composé de chansons de Ricky Nelson, Dusty Springfield, Kool & the Gang, sans oublier le fameux solo de guitare de Dick Dale qui a remis son Miserlou au goût du jour alors que la musique surf était déjà démodée depuis une bonne trentaine d'années. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Be the one.

I can learn to forget. C'était Lonesome Town de Ricky Nelson. Auparavant, vous avez écouté Miserlou de Dick Dale, Girl, You'll Be a Woman Soon de Huge Overkill et The Tornadoes avec Bursting Surfboard. Avec Pulp Fiction, Tarantino laisse une grande place à la surf music, ce qui vaudra d'ailleurs au film d'être considéré à sa sortie comme un film surf. Inventeur du genre, Dick Dale est même quasiment remis à sa place dans le panthéon du rock avec son agressif Miserlou, à jamais indissociable de Pulp Fiction. Certes, d'autres films utiliseront Miserlou pour la BO, notamment le premier épisode de Taxi. Mais Miserlou, pour l'éternité, c'est Pulp Fiction. Tarantino ne délaisse pas pour autant ses Super Sound of the 70s avec les classiques Sound of a Preacher Man, chef-d'œuvre de Northern Soul chanté par une blanche, Dusty Springfield, Let's Stay Together d'Al Green, que Tina Turner avait déjà tenté de réhabiliter dans les années 80, et le groove implacable de Jungle Boogie de Kool & The Gang, qui amorce déjà le virage Jackie Brown 3 ans plus tard. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When

C'était Let's Stay Together d'Al Green. Auparavant, vous avez profité de Chuck Berry avec You Never Can Tell et Dusty Springfield avec Son of a Preacher Man. Sorti 3 ans plus tard, en 1997, en hommage à la Blaxploitation, Jackie Brown bénéficie d'une bande originale toujours Super Sounds of the 70s, cette fois principalement dédiée aux musiques afro-américaines. Across 110th Street de Bobby Womack, Natural High de Bloodstone et La La La Means I Love You des Delphonics, etc. Le choix de Tarantino est particulièrement pointu et homogène, même si quelques outsiders comme Johnny Cash ou le rock psychédélique de The Grassroots et une rappeuse contemporaine, Foxy Brown, dont le nom renvoie évidemment au personnage culte interprété par Pam Grier, s'invitent à la fête. Les gens qui connaissent mieux Tarantino que la musique vous diront en entendant Coconut, Miserlou ou plus tard Bang Bang, « Ah ben oui, c'est la musique de Tarantino !» DJ Quentin lui-même le disait. Quand une chanson est très bien utilisée dans un film, elle appartient désormais au film, on ne peut plus l'utiliser ailleurs. C'est ce que vous allez pouvoir vérifier à l'écoute de ce titre mémorable de Bobby Womack, qui restera à jamais lié à ce personnage d'hôtesse de l'air maligne et magouilleuse, magistralement interprétée par une Pam Grier, elle aussi sortie de la naphtaline. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. In the street, yes you can. Oh.

midnight confession when I'm telling the world that I love you. In my midnight confession. Take me in your arms. back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's pa. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Drifted on down into no man's land, across the river called the Rio Grande. Raced my horse with the Spaniard's foal till I got me a skin full of silver and gold. Me and the gambler, we couldn't agree. We got in a fight over Tennessee. I pulled our guns and he fell with a thud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her pa. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. C'était Tennessee Stud de Johnny Cash. Nous avons écouté également Randy Crawford avec Street Life, The Grassroots avec Midnight Confessions et Bloodstone avec Natural High. Ce qui réunit les titres utilisés par Tarantino dans ses films, de Dick Dale à Chivari, de Charlie Withers à Nancy Sinatra, d'Al Green aux Coasters, ce sont des chansons catchy, sexy, groovy, magnétiques, lascives, légères et collantes comme une robe d'été, foncièrement pop. Le procédé atteint son paroxysme dans Kill Bill Volume 1. On retrouve sur la BO Bernard Herrmann, Louis Bacalov, Isaac Hayes, Tomoyasu Otey, Charles Bernstein, Meiko Kaji, Hal Hurt et Quincy Jones, dont les morceaux sont tous extraits de musique de films, de western spaghetti, de thriller, de films de yakuza, mais toujours des morceaux cultes ou des morceaux issus de séries télé. Le diptyque Kill Bill est l'œuvre de Tarantino à brasser le plus d'influences cinématographiques. Logique par conséquent que sa bio soit beaucoup plus hétéroclite que ses précédentes. Composée elle aussi en deux volets, la BO est un chef-d'œuvre des talents compilatoires de Tarantino. En premier lieu, il réhabilite une chanson oubliée de Sonny Bono, écrite pour Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me Down, qui devient un nouveau classique de la pop, plus de 25 ans après sa sortie. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Some foolish thing I done. C'était Nancy Sinatra avec Bang Bang, suivi de Santa Esmeralda et Don't Let Me Be Misunderstood, Tomoyasu Otei avec Battle Without Honor or Humanity et Al Hurt avec Green Hornet. Après avoir donné une tonalité très disparate à la BO du volume 1, Tarantino confronte le rock'n'roll de Charlie Watters au funk d'Isaac Hayes, la flûte de pan ringarde de George Zamfir au crotrock robotique de New dans ce volume 2. Mais pour la première fois chez Tarantino, les influences cinématographiques viennent massivement envahir la bande-son. Du sifflement de Hell Driver, chippé à la partition de Bernard Herrmann pour le violent thriller britannique Twisted Nerve, aux chansons pop surannées de Meiko Kaji, Tarantino décide donc de faire des références au cinéma directement par la musique. Il empruntera même trois partitions d'Ennio Morricone, qui à partir de Kill Bill aura au moins un morceau dans chaque BO de Tarantino et reprend également des thèmes issus d'autres films italiens, comme Le Grand Duel de Giancarlo Santi ou L'Emmurée Vivante de Lucio Fulci. La geek attitude de Tarantino atteint son paroxysme avec également des citations aux thèmes musicaux des séries télé Le Frelon Vert et L'Homme de Fer, soit deux des séries américaines auxquelles a participé Bruce Lee, influence évidente de ce film de Yakuza à la violence exacerbée. tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. C'était Johnny Cash avec Satisfied Mind. Chez Tarantino, le processus de mise en abîme fonctionne aussi en circuit fermé. De plus en plus, le maestro truffe ses films de références musicales très personnelles à ses films précédents. Le jukebox du Texas Chili Parlor dans Boulevard de la Mort est ainsi en réalité le jukebox personnel de Quentin Tarantino avec ses disques dont il a écrit les étiquettes lui-même. Pendant une seconde, on aperçoit l'étiquette de Misère Lou, le thème surf ultra connu de Pulp Fiction. Dans Boulevard de la Mort encore, la sonnerie de portable d'Abernathy et le thème Twisted Nerve de Bernard Herrmann, déjà siffloté par Rail Driver, l'infirmière borne, tueuse et néanmoins sexy, de Kill Bill volume 1 et 2. Le chemin artistique suivi par Tarantino sur ses films après le diptyque Kill Bill engage également CBO. Mais le cinéaste ne surprend plus vraiment comme avant, et le public évolue désormais en territoire connu. La BO de Boulevard de la Mort est comme le film qu'elle illustre, gentiment rock'n'roll. Tarantino commence à se répéter légèrement, mais on retiendra tout de même Check a Bit d'April March, une reprise en anglais de Laisse tomber les filles, chanson écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall, ou encore la célèbre Gypster du groupe glam T-Rex, ou la cultissime Down in Mexico des Coasters. is closing your eyes so you can see, so you can see. No, really, I don't care what they say to me. Good night. you loved me when all the time you knew you just C'était The Coasters avec Down in Mexico, précédé de Willie DeVille avec It's So Easy, T-Rex avec son Jeepster, Check A Beat d'April March et Eddie Floyd avec Good Love, Bad Love. Si Tarantino puise largement dans l'œuvre du maître Ennio Morricone pour la BO de Kill Bill et confie une partie de la musique originale à son ami le réalisateur Roberto Rodriguez, pour la BO de Inglourious Bastard, Mr. Q se repose encore très largement sur des compositions préexistantes de Morricone. En effet, avec Inglourious Bastard, Tarantino fait une nouvelle sélection musicale de cinéphiles. Morricone, Schifrin, Lussier sont à l'affiche notamment. Une sélection qui fonctionne difficilement sans son support filmique. Pourtant, la rencontre au sommet annoncée, Morricone composant pour Tarantino, a failli avoir lieu. Ennio Morricone, qui avait refusé de travailler sur Pulp Fiction en 93, avait accepté le principe d'une collaboration sur Inglourious Basterds. Mais le projet est tombé à l'eau pour des raisons de calendrier, le film devant être prêt pour le Festival de Cannes, et Morricone ne pouvant être prêt dans ce timing. Cependant, encore que du bon dans la BO de ce Inglourious Bastard, où l'on pourra entendre Slaughter de Billy Preston ou encore Cat People de David Bowie, jadis utilisé dans la BO de La Féline de Paul Schrader. Thank you. C'était Cat People de David Bowie. Nous allons maintenant aborder un film qui donne à Jamie Foxx un rôle sur mesure, peut-être le plus grand rôle de sa carrière, avec celui de Ray Charles dans le biopic Ray. En effet, on connaît la passion du réalisateur Quentin Tarantino pour la musique. Il a ainsi avoué ne jamais commencer l'écriture du scénario s'il n'avait pas déjà une idée de la chanson du générique. Un mélomane accompli qui réfléchit ses bandes originales seul, sans compositeur, et qui en fait à chaque fois des petits bijoux de compilation, comme dans Django Unchained. Pourtant, les morceaux d'Ennio Morricone, qu'il adore et avec qui il devait travailler pour Inglourious Basterd, sont bien présents dans Django Unchained. Il est vrai que le compositeur pour musique de film d'origine italienne semblait idéal pour ce long métrage à l'ambiance western. Tarantino tisse ainsi des liens forts entre musique et film. Car Quentin Tarantino ne travaille pas comme n'importe quel réalisateur. Il inclut en effet la musique au cœur de l'histoire, la considérant comme partie intégrante du processus créatif. On le remarque en se penchant sur la musique de Django Unchained, où le personnage principal semble avoir tiré son prénom d'un titre de Louis Bacalov, Django, et la seconde partie du titre venir d'un titre éponyme de James Brown. Souci du détail toujours chez Tarantino. Le parti pris de la musique comme élément clé semble lui avoir réussi, sachant que les bandes originales de Kill Bill ou Pulp Fiction ont été de grands succès, et qu'il a ressorti de l'anonymat des artistes et des chansons devenues cultes. Tarantino garde bien évidemment la chanson emblématique du Django original et parsème encore sa sélection de morceaux de Morricone et de Johnny Cash. Outre l'utilisation finalement très judicieuse de la chanson folk « I Got a Name » du regretté Jim Cross, le coup de génie de Quentin restera certainement l'utilisation de titres hip-hop qui renvoient aux luttes de la communauté noire américaine, notamment le « Unchained » de James Brown et Tupac. Too old to die young now. inside, baby. Down in the hole, God above and the devil below him. Reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, I'm too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Call the police. cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me. Yup, y'all remember me. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? I like the way you die, boy. Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, live eternally. Bury me in pieces cause they fear reincarnation. Niggas screaming peace cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of rate in the quickening base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch made niggas in that bullshit you going through. Outlaws, bustin', we untouchable. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga. I'm coming. Break or retreat. and been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, may take everything I have. C'était Anthony Hamilton et Elena Bolton avec Freedom. Auparavant, nous avons découvert Louis Bacalov avec Django, John Legend avec Who Did That To You et Unchained par James Brown et Tupac Shakur. On connaît Les Douze Salopards de Robert Aldrich en 1967, réalisé d'après un roman d'E.M. Nathanson, film sur la Seconde Guerre mondiale qui a probablement inspiré l'intrigue de Inglourious Basterds. On connaît également Les Sept Salopards, réalisé en 1982 par Bruno Fontana, et Deux Salopards en Enfer, premier film de Tonino Ricci en 1970, deux des maîtres du cinéma italien. Telles sont les premières références qui s'imposent pour le titre et le genre du huitième film de Quentin Tarantino, The Hateful Eight, c'est-à-dire Les Huit Salopards. Sans doute le nombre de ces anti-héros est-il dû au fait qu'il s'agisse du huitième opus du cinéaste américain. La bande originale, particulièrement importante pour le format 70 mm, dont le négatif ne comporte pas de piste son, est composée de 6 pistes magnétiques discrètes, offrant une qualité et des possibilités comparables au système de son numérique. Elle comprend par ailleurs les chansons Apple Blossom des White Stripes, Now You're All Alone de David Hess et There Won't Be Many Coming Home de Roy Orbison. Dans le livret de l'album, Quentin Tarantino explique que cette bande originale est, je cite, « un acte d'amour ou encore le résultat final d'un rêve devenu réalité » et qu'il a ainsi pu travailler avec son compositeur préféré, Ennio Morricone. Dans son registre favori, dirons-nous, la parodie noire du western, cette fois au lieu du sauce western comme dans Django Unchained. Thank you. Listen, all you people, try and understand. You may be a soldier, woman, child, or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 10 out of 20, but there won't be many coming home. Now the old folks will remember on that dark and dismal day how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone, they are left alone, and there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 5 out of 20, but there won't be many coming home. Look real closely at the soldier coming at you through the haze. He may be the younger brother who ran away. And before you kill another, listen to what I say. Oh, there won't be many coming home. Oh, there won't be many coming home. Oh, there won't be many. There may not be any, but there won't be many coming home. If they all came back but one, he was still some other's son. And there won't be many coming home. Oh, there won't be many coming home. Oh, there won't be many coming home. Oh, there won't be many coming home. Yeah, my man. All right. I want to tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Don't really care for you. Come and tell me what what you're thinking. Cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you. C'était Roy Orbison suivi de Roy Head and the Threads avec Fritter Wright et de Apple Blossom des White Stripes. Comme nous l'avons vu précédemment, chez Tarantino, la bande originale fait partie intégrante de l'équation sophistiquée de ses films. Le réalisateur est le DJ des images autant que des sons qu'il choisit en fonction de sa mise en scène et du thème de ses scénarii. Sa dernière production, encore en salle il y a peu, ne déroge évidemment pas à la règle. Non seulement Tarantino a appliqué la même recette pour Once Upon a Time in Hollywood, mais il y a ajouté aussi, sur le disque de la bande originale, des jingles qui étaient diffusés sur les ondes à la fin des années 60. Ce qui ne l'empêche pas de dénicher quelques pépites comme ce Rambling Gambling Man de Bob Seger. And throw dice. I was just 13. tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Steel, 93 KHJ. 317 at KHJ. Totally intense. That's me, the real Don Steel, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson. Simon and Garfunkel, 320 at KHJ, on the Real Dad Steel Show on a super Saturday afternoon, speeding away. see now. Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need a loving and I'm not to blame now. I got early in the morning, I got late in the evening. Well, I want and need it, oh, I gotta have it. She got loving like quicksand, only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. C'était Deep Purple avec Hush. Auparavant, nous avons dégusté Ramblin' Gamblin' Man de Bob Seger et Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Dans la BO de Once Upon a Time in Hollywood, outre le portoricain José Feliciano, reprenant à son compte la chanson California Dreaming popularisée par les Mamas and Papas, Tarantino nous fait découvrir des titres qui passaient à la radio américaine durant l'année 69. Comme Simon & Garfunkel donc, Los Bravos, Buffy Sainte-Marie, le groupe Deep Purple qui venait d'enregistrer son premier disque, ou encore Vanilla Fudge. Dans une interview accordée au New York Times, Quentin Tarantino expliquait sa démarche et sa façon de procéder. Il déclarait qu'il possédait une énorme collection de disques qu'il range dans une pièce spéciale à côté de sa chambre. Elle ressemble, semble-t-il, à la boutique d'un disquaire d'occasion, avec des posters et des bacs répartis par genre. Et quand il est prêt à écrire un nouveau film, ou qu'il pense à une histoire en partant de zéro, il se rend dans cette pièce et essaye de dénicher la musique pour le film, qu'il s'agisse d'autres bandes originales de films, de chansons, ou de n'importe quoi d'autre, peu importe. Et c'est lorsqu'il trouve quelques morceaux qu'il se rapproche un peu plus de la concrétisation du film. En gros, c'est ni plus ni moins une playlist que le réalisateur concocte pour chacun de ses films. Et donc aussi pour Once Upon a Time in Hollywood. La sélection des titres qui figurent sur la BO du film est donc corrélée à l'Amérique de cette année 69, à savoir la fin de l'âge d'or hollywoodien, marqué par un fait divers barbare, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, femme de Roman Polanski, par les disciples du gourou Charles Manson. All right. Oh, yeah. that one girl and life is sweet and good. There ain't no doubt. Talking about the hate woman. She gets to know you. She gets to hold you. Take a couple. Kentucky woman. Gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 3:31 in Los Angeles. This is the real Don Steele. I know that it's time, and you're saying it. Thank you. Make you get it out of that pantry. Break a Los Bravos. Break a little lovin' with your cupcakes. 334 at KHJ and the Real Dance Deal Show. Suck it up. Winter's Day. if I was mean or if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. C'était José Feliciano avec California Dreaming, précédé de Kentucky Woman de Deep Purple, de Paul Revere and the Raiders avec Mr. Sun, Mr. Moon, et de Los Bravos avec Bring a Little Lovin', la petite douceur, dédicacée à notre ami Olivier. Dans les bandes très originales de la filmographie de Mr. Q, il n'y a jamais de remplissage ni d'opportunisme. Il n'y a pas non plus de composition originale, ou très peu. Tarantino chine, recycle, assemble et ne veut laisser cette responsabilité à personne d'autre, car selon lui, je cite, « la musique est trop importante pour cela ». Et encore plus importante qu'on ne le croyait. En effet, Tarantino explique dans une interview récente que, petit garçon, il a commencé à se faire des films dans sa tête en écoutant des BO. Devenu grand et grand collectionneur de disques, il continue à concevoir ses films en musique. Souvent, les BO de Tarantino sortent avant ses films. On pourrait presque en déduire que chez lui, la musique précède le cinéma. Si certains artistes sont récurrents dans les films de Tarantino et certains thèmes passent d'un film à l'autre, les musiques de Tarantino ratissent assez large et sont globalement ancrées dans les années 70. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est le mi-chemin chronologique entre les années 50, l'âge d'or de la culture pop, et aujourd'hui. Pourtant, toutes les BO de Tarantino ont leur vie propre. On peut les écouter, les aimer, les savourer, leurs perles sans connaître l'écrin cinématographique correspondant. Mais au cinéma, c'est la fusion, la connivence. Les musiques ne sont pas seulement destinées au plaisir du spectateur, mais d'abord au personnage et à la scène en cours. En général, la musique existe dans les films par ses sources de diffusion. Platine vinyle, comme celle filmée au plus près dans Jackie Brown et Pulp Fiction, mais aussi jukebox, radio, autoradio, lecteur MP3, groupe en live, comme dans Kill Bill, ou encore les salles de bar et de restaurants. Pourtant, les personnages des films de Tarantino ne font pas qu'écouter ou entendre de la musique. Ils en parlent aussi beaucoup. Les gangsters dans Reservoir Dogs, avant la scène anthologique de l'oreille coupée, Mr. Blonde monte la radio et demande à sa victime s'il connaît la radio Kabylie. Ou encore dans Boulevard de la Mort, quand Jungle Julia fait découvrir un sideband de Pete Townshend à ses copines, ou dans Jackie Brown, quand Max Cherry achète une cassette des Delphonics après que Jackie lui ait fait découvrir le groupe en vinyle. Ainsi, chez Tarantino, la musique agit comme un fluidifiant entre les scènes et les personnages. Les personnages existent par leur corps, leur discours et leurs actions, mais aussi par leur culture musicale ou leur goût pour la danse. Car dans tous les films de Tarantino, on danse, on s'abandonne sensuellement au pouvoir de la musique, comme à l'envie de tuer. Voyez les scènes de combat dans Kill Bill ou Boulevard de la Mort par exemple. Lorsque les héroïnes tuent, on dirait qu'elles dansent. Oui, dans le cinéma jubilatoire et ultra-violent de Quentin Tarantino, il semblerait que la musique adoucisse les meurtres. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère vous avoir régalé avec cette spéciale Quentin Tarantino. Je vous donne rendez-vous dimanche soir à partir de 21h dans le Stone Rock Live pour un hommage aux Enfants Paradis avec le concert de Sting au Bataclan en 2016, suivi par l'énergie rock primale des Alsaciens de Last Train au Printemps de Bourges. Et je vous retrouve également jeudi prochain, même lieu, même heure, pour de nouvelles aventures dans le Rock Alternative Show. D'ici là, prenez soin de vous et soyez heureux. Et n'oubliez pas, la musique, c'est comme l'amour, ça se partage. Et si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. À très vite, je vous embrasse. Bye bye.